France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 116. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 13 avril 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es First Lady, tu es Grande Pompe ou Escarpin Vernis, tu es conseillère au culte ou dans le culte du président, tu es Choucroute, Pièce Jaune et Tailleur Chanel, tu es Tantivonne, Anémone, Daniel ou Carla, et tu es aussi... Ma femme, ce qu'elle aime, c'est le prestige. Elle peut pas saquer les paysans. Comme elle est d'une famille où il y a un peu de pognon, il lui faut de la finesse, vous voyez. Moi, quand je sors des phrases, on sent que je suis pas né chez les cagots. Il y a du style, vous voyez. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin. Tu es la femme du président, tu es la première dame de la République. Alors, dimanche dernier, un sondage du quotidien Le Parisien consacré à nos premières dames nous apprenait que les Français considèrent aujourd'hui Carla Bruni Sarkozy comme une femme élégante, moderne, intelligente et sympathique. En revanche, pour représenter dignement la France, toujours selon ce même sondage, notre nouvelle première dame se classe avant-dernière, dis donc, juste avant Cécilia, et très loin derrière Sainte Bernadette. C'est pourquoi ce matin, afin d'aider notre Carla nationale à rattraper son retard, la panique au Mangin Palace a donc décidé, durant 53 minutes, de s'intéresser à la délicate alchimie qui fait de toi l'impeccable et l'irréprochable épouse du chef de l'État. Et pour commencer notre balade à l'ombre des présidents, de la pompe élyséenne aux ors de la République, nous allons aller à la rencontre des grandes figures des premières dames de France. Ensuite, durant quelques minutes, dans l'espoir d'aider Carla à surpasser Bernadette, nous tenterons d'offrir à la nouvelle épouse du chef de l'État un mode d'emploi de la First Lady idéale. Et dans la foulée, nous découvrirons un peu plus qui est Carla Bruni, justement, puisque nous avons retrouvé une interview vieille de 15 ans enregistré ici même à Radio France, petit moment privilégié. Et puis, nous te dévoilerons les coulisses de ces étranges passations de pouvoir entre premières dames qui ont animé par deux fois ces derniers mois les couloirs de l'Élysée. Et enfin, nous prendrons la direction de Grosboul-les-Bains, où Monique et Jean-Claude ont constaté cette semaine que le pouvoir et l'amour ne font jamais bon ménage. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son car la musique est bonne. Et comme les hats des pas, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Start like a jackrabbit, finish in front of it. ça. Them up and go, oh oh, cha cha cha cha. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still heavy like that. Here comes the hot stepper. C'est ce que chantait en 1994 le ragaman Inny Camoz. Titre qui figure au passage sur la bande originale du film de Robert Altman, Prêt-à-porter, et dans lequel une jeune mannequin joue son propre rôle. À l'époque, elle marchait à tâtons à la recherche de l'homme idéal. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des assurés, des velus, des imbeurs. Alors ce matin, la panique au Mansion Palace, toujours aussi férue de zoologie, a donc décidé de s'intéresser à un animal beaucoup mieux connu depuis la vente jeudi dernier, d'un cliché montrant pour la première fois un digne représentant de cette étrange espèce sans ses artifices vestimentaires, à savoir la femme de président de la République française. En France, la première femme de président apparaît sous la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Elle n'a alors, et aujourd'hui encore d'ailleurs, aucun statut officiel. Elle est simplement l'épouse du chef de l'État, même si parfois ce n'est pas elle la femme la plus proche du pouvoir. La mort la plus douce, c'est celle de Félix Faure. C'est qui ça, c'est quoi? Le bien-aimé Félix Faure, président de la République française en exercice. Son cœur s'est arrêté de battre pendant que sa maîtresse, l'admirable Madame Stenel, à genoux à ses pieds, lui prodiguait avec fermeté le pompier de tous les pompiers. Mon Dieu. Ses ennemis s'écrièrent, il voulait être César. Hélas, il ne fut que Pompée. Et Madame Stenel fut surnommée la pompe funèbre. L'admirable Marguerite Stenel, la maîtresse du président Félix Faure, a donc dû endurer l'esprit caustique des amuseurs de son époque. Et au passage, elle a complètement éclipsé la véritable première dame. Ainsi, sous la Troisième République, les épouses de présidents restent discrètes et n'ont laissé que peu de souvenirs. Il y a bien Marie-Louise, la femme du président Loubet, qui demanda au roi Édouard VII lors d'une visite officielle à propos de son fils, le futur George V, « Et ce grand garçon-là, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Eh oui, longtemps, la première dame resta dans l'ombre de son président de mari et n'eut que peu d'occasion de faire parler d'elle. Germaine Coty est morte. Les gens de France sont dans la peine et le deuil. Ils s'en font la confidence, sans gêne, sans fausse pudeur. Germaine Coty est morte, qui n'eut jamais de regard ou de geste, d'attention, de pensée, de tendresse, ou bien même de colère, que pour le mieux-être des multitudes confiées à sa garde par le destin qu'il avait promu. Germaine Coty, qui s'était offerte simplement, obstinément, pour que la vie soit plus légère aux autres et qui devient légendaire. Oui, enfin, la légende de Germaine Coty est à nuancer quelque peu tout de même. Pourtant, avec la Ve République et la mise en place d'un régime semi-présidentiel en France, on peut se demander quelle place a bien pu prendre l'épouse du président. Au commencement, il y eut Yvonne de Gaulle, l'illustre tante Yvonne avec qui parfois le général causait politique dans l'intimité, dis donc. Ah, oh, dis donc, ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans le journal. Quoi ? Ah, oh, écoute un peu, c'est à propos là, de l'Europe des Six, tu sais, l'Europe agricole à Bruxelles. Écoute, la séance reprit à 20h. Et à minuit, les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Mais c'est pas possible. Ah, écoute, je t'assure, écoute. Ils sont vraiment gonflés d'écrire ça dans Le Monde, quand même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une call girl bien excitée. Non, je te crois pas. Oh, bah écoute, lis-le toi-même. Les délégués de l'Europe agricole purent regagner leur chambre où les attendait une collation bien méritée. Écoute, vraiment, tu exagères. Bon, moi, j'éteins. Ah, je deviens nu, hein. Ouais. Ah, quel déconneur, ce général. Ainsi, tante Yvonne est restée à l'écart de toute affaire politique, donnant l'image d'une femme modeste et discrète. Mais changement de style, en 1969, une femme moderne, et non plus une potiche, entre à l'Élysée. C'est bien évidemment, au bras de Georges, la pop-art Claude. Poupoupidou, I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Claude Pompidou fut donc la première dame de France jusqu'en 1974, date à laquelle elle fut remplacée par l'inénarrable Anémone Giscard d'Estaing, née sauvage de Brante. Anémone Giscard d'Estaing, un sourire de bon aloi, jamais pris en défaut, le verbe sobre, la répartie polie et brève. Mère de famille, elle a voulu passer son bac, elle a échoué sur les maths modernes, et oui. Alors elle a suivi des cours d'économie politique, mais c'était trop rébarbatif. La grande qualité de Valéry Giscard d'Estaing, pas de problème, c'est son intelligence. Eh bien, je crois que mon mari, comme chacun le sait, a comme principale caractéristique une grande intelligence. Mais cette intelligence est alliée à beaucoup de cœur et de sensibilité. C'est parfois cette sensibilité, d'ailleurs, qui peut lui donner un air un petit peu distant, car il est obligé de se cuirasser de cette manière contre les blessures qu'il pourrait recevoir. Et c'est en plus quelqu'un de très agréable à vivre. Ainsi, pour Anémone, Valérie semble facile à vivre. Tout au moins avant la présidence. Parce qu'une fois arrivée au pouvoir, Valérie a voulu faire d'Anémone la Jackie Kennedy française. Il lui a imposé l'humiliation des repas chez les gueux ou encore la torture des vœux télévisés. Alors que dans l'esprit d'Anémone, une femme de président doit avoir un tout autre rôle. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut être bonne, mais sans faiblesse. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui ferait compter un socialiste. Ainsi, j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui ferait compter un rouge. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Eh oui, Anémone avait une vision très traditionnelle du rôle de première dame qu'elle voulait très effacer et cantonner aux repas officiels. Mais avec Daniel Mitterrand, qui lui succéda en 1981, c'était une véritable militante qui arrivait au pouvoir et pour Daniel, il était hors de question de mettre de côté ses opinions. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là. Et oui, être première dame oblige à faire quelques sacrifices. Mais à partir des années 80, les femmes de président refusent de baisser les bras. Elles veulent conserver leur indépendance. Ainsi, Bernadette Chirac est la première femme de président à faire de la politique, à être élue même au conseil municipal de Saran, puis au conseil général de la Corrèze, après des campagnes électorales frénétiques. Je frappe à la porte et je suis toujours très très bien accueillie. Puis on s'assied autour de la table et on bavarde. Est-ce que votre mari suit le déroulement de votre campagne ? Il s'informe par téléphone, nous parlons à peu près 2 fois par jour. Et oui, il aime bien savoir un peu comment ça se passe. Et c'est une manière de se tenir au courant de ce que pensent les Corréziennes et les Corréziens. Je crois que c'est très important pour lui aussi. Je peux te poser une question ? Ouais. Franchement, ça te fait pas chier que ta femme, elle fasse de la politique ? Qui ça ? Bernadette ? Elle fait pas de la politique, elle fait Drucker. C'est du bidon. Ah ouais. Et ce qu'elle fait avec Douillet, la tournée des hôpitaux, c'est pas de la politique. Elle fait rien avec Douillet. N'empêche, elle commence à être populaire. Tout le monde la mate, tout le monde l'invite. T'étonnes pas si elle finit par se présenter au présidentiel. Bon, impossible, je la connais depuis 40 ans. Ça, c'est ce que tu disais de Balladur en 95. Bon, t'arrêtes ? Ouais, ouais. Non. N'empêche, déjà chez Drucker, j'avais envie de voter pour elle, alors t'imagines les Français devant leur télé. Ça, c'est sûr, faut pas taquiner la femme du président sous peine de se prendre une grosse mandale. Tiens, par exemple, tu dévoiles le contenu d'un SMS, c'est mal, et tu risques d'aller au pénal. Alors imagine un peu ce que risquent les téméraires qui osent critiquer le pieu, ou bien la cave de la première dame. S'il y a ton lit est trop dur, pourtant il fait de beaux rêves. Oh Cécilia, ton vin est trop doux, mais j'aime son goût sur tes lèvres. S'il y a, quand on a 20 ans, on a tout le temps d'être fidèle. Oh Cécilia, si tu ne l'es pas, je ne t'en veux pas pour autant. Oh oh oh, tu es belle et dans ton sixième, quand on s'aime, c'est le septième ciel. C'était Joe Dassin, Cécilia, donc ce Joe Dassin qui a retrouvé Jules et qui revisitait Simon & Garfunkel en 1970. Alors qu'en 2007, le remix de Cécilia était signé, lui, Richard Attias. J'aime votre humour. Alors, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'il est à présent 11h22 et après avoir revisité l'évolution de la fonction de l'épouse du chef de l'État, il est temps désormais, durant quelques minutes, d'essayer d'offrir à Carla, car on sait qu'elle nous écoute, le portrait de la première dame idéale. Oui, très cher, que dois-tu faire si tu veux remplacer un jour Bernadette dans le cœur des Français ? Eh bien, vois-tu Carla, devenir la femme du président de la République, c'est vivre dans un théâtre. C'est ce que nous confie cette semaine Cécilia dans une interview accordée au Vanity Fair italien. Et oui, première dame, c'est un rôle qu'il faut savoir interpréter avec minutie. Figure-toi que c'est un peu comme entrer dans les ordres. En gros, tu épouses Dieu, et ensuite il faut vivre selon certaines règles dignes des carmélites. Telle fut la recette du succès de Sainte Bernadette. Vœux de silence et de chasteté, esprit charitable et dévoué. Par ailleurs, la première dame ne peut faire l'économie des us et coutumes du protocole. Tu dois absolument, Carla, maîtriser les subtilités de la diplomatie. Par exemple, comment dresser une table lorsque tu reçois chez toi des chefs d'État. Alors écoute bien, rien de mieux à ce propos que les bons vieux conseils de Tante Yvonne. Voilà, je suis la première dame de France. Oui, et j'ai à casa et autour de moi Eisenhower, Macmillan, Adenauer, à ma droite, qui j'assieds. J'hésite entre Eisenhower et Conrad. Hein? Oui, écoute, du point de vue de l'âge, c'est Conrad Adenauer sans l'ombre d'un doute. Du point de vue de l'âge, bien sûr, mais il y a d'autres points de vue. Est-ce qu'il faut faire plaisir d'abord à l'ancien allié ou à l'ancien ennemi ? Ah, ça se discute. Ah, oui. Ah. Tu sais que les anciens alliés, ça ne se froisse pas, mais par contre, les anciens ennemis, c'est susceptible. Bien sûr. Mais dans tout ça, qu'est-ce que je fais de l'anglais ? Ah, tiens, l'anglais, mais c'est lui que je mettrai à ta droite. Parce qu'en qualité d'ex-ennemi, il bat les autres à l'ancienneté. Oui. Et puis les anglais, les convenances, c'est eux qui les ont inventées. Tandis qu'Eisenhower, comme il est américain, les principes, il sait pas, il s'en fout. Alors là, attention Carla, il y a un piège. Le mari d'Yvonne, lui, entretenait notre indépendance vis-à-vis de la suprématie américaine, alors que ton mari à toi, lui, il a plutôt choisi la vassalité. Donc bien sûr, ne me méprise surtout pas les Américains comme se l'autorisait à l'instant tante Yvonne. Non, en ce qui concerne les États-Unis, il faudrait plutôt que tu suives les conseils de Madame Auriol cette fois. Les Américains du reste se passionnent déjà pour savoir comment sera vêtue Madame Vincent Auriol, dont l'élégance sobre, discrète mais sûre, avait déjà fait sensation lors du voyage en Grande-Bretagne. Et pour le voyage américain, Madame Vincent Auriol a fait appel à quelques-uns des plus grands noms de la couture française. Pour l'ambassade, Madame Vincent Auriol sera en robe du soir chantoum marron, brodée de soutache blanche et de cristal, toujours corselet, avec une écharpe de tulle blanc. Pour le dîner chez le président Truman, ce sera une très grande robe du soir en satin blanc, très large aussi, brodée de cristal. Tous les gants assortis aux toilettes sont faits par Lionel Legrand, les sacs de Hamon et Suviane, et tous les chapeaux, petits, moyens et capelines, sont assortis aux toilettes et viennent de chez les couturiers. Bon, question élégance, je ne m'inquiète pas, Carla. Mais l'apparence ne suffit pas pour faire une excellente première dame de France. Par exemple, il faut absolument te trouver un cheval de bataille. Une œuvre caritative, non polémique bien sûr, et tire-larme tant qu'à faire, qui viendrait soutenir l'image débonnaire de ton époux. Il s'agit alors pour toi de collecter des fonds pour une noble cause humanitaire, quitte à réclamer l'aide du président d'ailleurs. Allô ? C'est qui ? Jacques, c'est moi. Qui, moi ? C'est moi, Bernadette. Qui ça ? Bernadette. Mais mon Dieu, t'es folle d'appeler ici, ma femme pourrait nous surprendre. Jacques, c'est moi, votre femme. Hein? Et que tu veux? Je suis avec Jean-Pierre Foucault. Ah bon? T'es plus avec David Douillet? À l'émission qui veut gagner des millions. Écoute bien. Quand on est accusé de marché truqué, d'emploi fictif, d'abus de biens sociaux, quelle peine de prison risque-t-on? Rien? 10 ans? 15 ans? Ou Obi-Wan Kenobi? Ah, fastoche, c'est zéro. Vous êtes sûr, Jacques? Ah bah oui, je suis sûr. Zéro, allô, pas de zob. Je le sais, ça m'état. Ah bah, c'est arrivé à mon frère jumeau. Bah, je te laisse, là, il y a une nounou d'enfer qui commence. Hein. Cela dit, attention, Carla. Certes, il s'agit en effet d'être présente dans le cœur des Français, mais sans jamais faire de l'ombre à ton mari. Tiens. Chez la reine d'Angleterre, par exemple, c'était limite. On a presque plus parlé de toi et de ton Bibi que de lui et de ses soldats en Afghanistan. Il faut savoir trouver un subtil équilibre à la Jackie Kennedy. Comment êtes-vous arrivé à équilibrer votre rôle de femme, de mère et de première dame des États-Unis? Je crois, je suis toujours, je pense toujours la première à ma rôle de mère et de femme. Et après ça, j'ai des obligations, mais... Vous êtes parvenu à un équilibre? Oui, je crois. Je devrais vous demander, madame, quand le président a fini son travail en fin de journée et qu'il remonte dans ses appartements, parlez-vous politique avec lui? Ça dépend. S'il y a quelque chose qui occupe beaucoup, naturellement, nous en parlons. Mais j'aime pas qu'il apporte ses soucis à la maison. Alors si je peux... les faire oublier. Eh oui, une parfaite première dame, Carla, doit également savoir faire oublier à son époux ses gros tracas. Et comme Nico rentre tous les soirs furibond en hurlant après François Fillon, eh bien, en attendant qu'il le remplace par Xavier Bertrand, la nation tout entière compte sur toi pour l'apaiser. Et pour que le président se sente bien chez lui, Carla, enfin, chez vous, fais preuve de bon goût et n'hésite pas à prendre des initiatives pour remodeler l'intérieur de ton foyer douillet. C'est trop démodé, vous croyez? Oui. Alors, pas question. Oh, ça, c'est la bonne couleur. Mais non, pas question. Non, pas assez vif. Ah. Oh, Nancy avait mis ça dans la bibliothèque? Oui. Alors, pas question. J'ai un faible pour la soie moirée. Et cette semaine, elle est en solde. Oh, ça, je dois dire que c'est le moindre de mes soucis. Mon époux est le leader du monde libre. Qu'en penses-tu, ta fille? Pourquoi tu ne serais pas la salle Roosevelt comme les Roosevelt la voulaient? Parce qu'Eleanor Roosevelt ne jurait que par le Shintz. Voilà pourquoi. Maman, tu n'es pas chez toi ici. Ta fille, comporte-toi comme une peste et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Oui, Carla, tu es là pour imprimer ta marque au palais, alors méprise les rabat-joie. Cela dit, méfie-toi, car être dans l'ombre et l'intimité du pouvoir nécessite aussi de la modestie, tout comme te l'explique le duc d'Édimbourg. Eh, lui aussi première dame en quelque sorte. Je suis l'homme qu'il vous faut, ni trop laid ni trop beau. Je sais danser, la vire passer, je fais même des plissés. Sans chichi, sans fla-fla, je fabrique des petits plats. Je sais broder, raccommoder, je pourrais vous aider. Vous le voyez, c'est parfait pour la cuisine. Et cependant, il y a une chose qui me turlupine. Je fais trop distingué, mais je pourrais m'arranger. Malgré ce petit défaut, je suis l'homme qu'il vous faut. Alors maintenant, toujours dans l'espoir de te faire progresser, Carla, dans ton nouveau statut de première dame, nous avons décidé ce matin à la panique de rediffuser une petite interview enfouie dans les sous-sols de l'INA que tu avais enregistrée ici à Radio France il y a 15 ans. Alors je t'en prie, prends des notes afin d'éviter ce genre de truc à l'avenir. Hein ? On découvre ça, Carla, juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Eh bien voilà, on m'a donné un miroir dans lequel il faut que je me décrive. Il faut que je vous oublie aussi, ce qui est très difficile. En plus, je me regarde dans le miroir 8 heures par jour pour mon travail, donc c'est très sympa de m'en rebalancer hein, comme ça. Dans mes moments de liberté. Donc, qu'est-ce que je vois ? Des rides naissantes. Malgré les efforts énormes. Voilà, alors je vais décrire mon habillement d'abord. J'ai un petit chapeau bleu pour se protéger du soleil. J'ai une petite veste bleu marine, une chemise bleu clair en lin, tout ça très classique. Vous avez vu ma femme tellement qu'elle est belle en Angleterre, tellement qu'elle est mannequin ? Oui, super. Un pantalon large, bleu marine, et des sabots. Des vrais sabots hollandais. Et alors, le chapeau est sympa, c'est très holy-hobby, ça protège dans tous les sens, c'est-à-dire ça protège à gauche, en diagonale, en haut, en bas. Et ça me protège du soleil, n'est-ce pas, qui est très fort et très, très nocif pour la peau, comme le savent toutes les dames. Alors, j'ai l'œil bleu, petit, j'ai l'œil slave, j'ai pas l'œil profond, grand, etc. Non, j'ai un petit œil bleu, j'ai l'œil maquillage, c'est-à-dire j'ai l'œil sublime maquillé et puis pas maquillé, bon. J'ai beaucoup d'espace entre le sourcil et l'œil. J'ai le sourcil bien épilé. Les dents moyennement blanches. La bouche très maquillable aussi, qui peut devenir une très très grande bouche et qui peut rester une petite bouche assez chic, comme ça, un peu à la Catherine Deneuve. Voilà. Vous avez chaud ? Ok. Ce qui est de mieux, ce sont les yeux, la bouche, le nez, le corps, les hanches, les pieds, les mains. Ce qu'il y a de mieux, c'est l'âme, bien sûr, je crois. Et l'âme est comment devant le miroir ? L'âme ne se voit pas dans le miroir. Au contraire, le miroir m'empêche de voir l'âme. Et je passe mon temps devant les miroirs et je passe très très peu de temps à me regarder là. Same man that I loved. Oh. Things have changed. Les choses ont changé, c'est le constat printanier du Matafix. Et c'est vrai qu'on imagine mal Yvonne de Gaulle en son temps posée nue sur des photos de mode revendues aux enchères pour 91 000 dollars. Oui, assurément, nous sommes entrés de plein pied dans l'ère de la rupture. Alors maintenant, à 11h35, pour poursuivre notre décryptage de ces êtres étranges que sont les femmes de président, la panique au Mansion Palace a décidé de s'attarder quelques instants sur une situation très particulière dans la vie des premières dames, à savoir la passation de pouvoir. Car figure-toi qu'en moins d'un an, nous avons connu trois First Ladies. Et nous nous souvenons tous du sourire béat et de la joie infantile de Nicolas Sarkozy arrivant en mai dernier à l'Élysée pour y installer Cécilia. Si elle partait plus d'une semaine, juste assez pour me rendre malade, comme un bateau sans capitaine, je serais abandonné en rade. Pour tout vous dire, c'est Cécilia, si je reste. Mais Nicolas n'était pas le seul à être là. Pendant que le nouveau président réglait avec Jacques Chirac la passation de pouvoir, les deux premières dames faisaient de même de leur côté. Ainsi, Bernadette a fait visiter l'Élysée à Cécilia. Bernadette Chirac a également cédé sa place à une nouvelle première dame de France, Cécilia Sarkozy. Et ici, c'est la chambre que l'on occupait. C'est la plus grande du palais. Très jolie, ça. Ne touche pas, pétasse, c'est à moi. Pardon. Oui, pardon. Alors ensuite, Bernadette Chirac a transmis à Cécilia quelques petites informations et diverses astuces pour se sentir à l'aise dans les palais présidentiels. À votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames d'honneur. Viennent ensuite les valets et les gens de votre entourage. Quiconque possède un droit d'entrée peut l'exercer à tout moment. Il convient donc que vous fassiez attention à saluer comme il se doit toute nouvelle arrivée. Tout cela est ridicule. Mais non, ce n'est pas ridicule. C'est la France, madame. Alors, comme nous l'avions tous à l'époque pressenti, dès les premiers jours de ses nouvelles fonctions, Cécilia Sarkozy se trouvait mal à l'aise dans son rôle de première dame. Maintenant, nous connaissons la suite. Officiellement, à cause de son inadaptation à la pesanteur du protocole, Cécilia s'est barrée. Pour président Sarkozy, il était alors urgent de retrouver une nouvelle première dame. Ainsi, un soir, chez Jacques Séguéla, Nicolas a rencontré Carla et il en a immédiatement parlé à son conseiller Claude Guéant. Vois cette élégance qu'elle a, cette prestance qu'elle a, la jolie robe qu'elle a, avec ce charme-là, avec la classe qu'elle a, avec l'allure qu'elle a, son air de vivre, on pourrait faire un livre digne d'Alexandre Dumas. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois, ce que t'es bête, Ainsi, Claude Guéant n'était pas très chaud pour que Carla Bruni devienne la première dame de France. Mais bon, plus fort que la raison d'État, il y a l'amour, la passion et Paris Match. Nicolas a donc épousé Carla et c'est Cécilia, comme il se doit, qui à son tour a offert quelques modestes conseils à Carla. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais t'apprendre quelque chose dont tu te souviendras toujours. Comment beurrer une biscotte sans la casser. Tu vois, tu prends deux biscottes, tu les mets l'une sur l'autre, comme ça. Et puis tu étales ton beurre. Et grâce à la biscotte du dessous, la biscotte du dessus ne se casse pas. Oh, c'est trop bon. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Par exemple, le goût de la biscotte, et puis toi, en échange, tu m'apprendras ce que tu sais. Hein? Quelle est belle la solidarité des premières dames de France. Ainsi, grâce à Cécilia, Carla Bruni a réussi toute seule à beurrer sa première biscotte sans la briser. Une sublime victoire personnelle pour Carla. Je suis heureuse. Je chante moyen, hein. Ça représente tout. La reconnaissance des professionnels, la reconnaissance du public, la reconnaissance de tous les gens spécialisés, la reconnaissance de ma maman. Enfin, ça représente tout, tout ce qui existe. Je suis tellement heureuse, tellement émue. La crédibilité, c'était la chose essentielle que je voulais obtenir. C'était un miracle. Pas seulement du travail, pas seulement un coup de chance, mais un véritable miracle. Alors je sais que les miracles n'arrivent pas souvent dans la vie. Et ben, je vous remercie tous. Ça a été très très aidé par les médias, très aidé par le vrai public. Alors je ne sais pas qui remercier, mais je remercie toutes les personnes qui ont aidé à ce miracle. Oui, alors en effet, elle avait l'air très heureuse, Carla, d'avoir beurré sa première biscotte toute seule et sans la casser. Mais attention tout de même à ne pas exagérer. C'est pourquoi Claude Guéant est intervenu FISA afin d'offrir quelques autres petits conseils à la nouvelle première dame. Il est certain que tout est allé très vite. Nous n'avons peut-être pas, et la faute en est mienne, pris le temps de vous expliquer le béaba de vos nouvelles fonctions. Surtout que certaines personnes s'adaptent de façon naturelle, d'autres moins. Tous les cadeaux qui vous sont généreusement offerts doivent être montrés, portés fièrement, en mettant son mouchoir sur ses petites préférences personnelles. Au milieu de tout cela, et j'en aurai terminé, n'oubliez pas de prendre le temps de mettre à profit les jours favorables de vos prochains cycles pour la mise en route d'un futur petit prince. En me prévenant suffisamment à l'avance, je pourrais peut-être même m'arranger pour ces jours-là, alléger quelque peu votre agenda. Carla, très assidue, a donc écouté avec attention les conseils avisés de Claude Guéant. Oui, Carla veut être une première dame exemplaire, la nouvelle Jackie Kennedy, comme en témoignait la toilette choisie lors de la visite officielle et présidentielle en Angleterre. Ainsi, Carla a bien compris qu'il n'est pas de bon ton pour une première dame de se réjouir d'avoir réussi à beurrer une biscotte. Non, une première dame se doit d'être altruiste et désormais, Carla veut donner cette image lors de ses interviews. Une mère, une femme, mais aussi une citoyenne, qui s'inscrit de plus en plus, comme on a pu le voir récemment, dans la vie de notre pays, surtout en faveur des plus démunis. J'essaie d'agir à mon petit niveau, évidemment. Par exemple, j'ai décidé d'organiser une grande journée 4 quarts pour le quart monde. Si chacun d'entre nous faisait un 4 quarts, c'est tellement simple. 4 œufs, 250 grammes de farine, de beurre, de sucre. Je crois que le monde tournerait plus. Et oui, Carla a très bien retenu les leçons de Claude Guéant. Une bonne première dame se doit d'être généreuse avec des 4 quarts ou des pièces jaunes, peu importe. L'important, c'est l'image. Ainsi, Claude Guéant a expliqué à Carla qu'en réalité... Bernadette n'aime pas les enfants quand elle en prend un dans ses bras. Il pleure, il hurle, il crie maman, c'est cruel, mais c'est comme ça. Bernadette n'aime pas les enfants et les enfants ne l'aiment pas. C'est sa croix, c'est son tourment, c'est cruel, mais c'est comme ça. Eh oui, c'est cruel, mais c'est comme ça, être femme de président vous expose aux colibés et aux moqueries. La première dame est toujours photographiée, sans cesse traquée et surveillée, partout, et parfois même jusque dans la chambre à coucher présidentielle, dis donc. Nicolas ? Non, tire encore. Oui, encore un peu. Non, vers la droite, un peu plus à droite. Ouais, comme ça. Non, ça va pas. C'est pas comme ça. Non, Nicolas, je t'aime. Je t'aime à en mourir. Nicolas, attention les flics! Laissez-le tout! Et effectivement, quand tu es première dame, tu dois t'attendre à être sans cesse entourée de policiers qui te protègent. Alors bien sûr, il y a des moments agréables dans l'existence d'une première dame, mais le plus souvent, sa vie c'est un peu le chaos, c'est un peu le stress, mais c'est surtout la panique tous les dimanches matins. La vie, c'est la panique. La vie, c'est le cirque. Alors quand je rentre le soir, j'ai besoin d'un peu de douceur. Mais si par malheur, j'allume le téléviseur. Je me lève, je chante, je danse. I'm dancing, oh dancing, oh dancing, oh dancing. I wanna dance with Madonna. I'm dancing with Madonna. Look at me, I'm dancing with Madonna. I wanna dance with Madonna. Madonna. c'est le spleen. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est le choc. Alors quand je rentre du travail, j'ai besoin d'un peu de calme. Mais si par malheur j'allume le téléviseur et que la madone m'apparaît, oh miracle, je me lève, je chante, je danse. I am dancing. Dancing with Madonna, c'est le souhait secret d'Arthur H. sur son nouvel album, mais c'est également ce que désirait Jacques Chirac en 1987, lorsque la star était venue chanter au Parc de Sceaux. Seulement au final, pour Jaco, ce fut plutôt Tea Party avec Bernadette. She's a lady. Bien maintenant, afin de prolonger nos aventures de First Lady, il est grand temps à 11h46 de retrouver nos deux héros qui ne se soucient jamais du protocole, Monique, la première dame du Mangin Palace, et Jean-Claude, bien sûr, son concubin de fortune. Alors tu l'ignores, mais au mois de novembre dernier, Jean-Claude a été élu président du Rotary Club de Grosboul-les-Bains. Un rêve d'ascension sociale qu'il chérissait depuis des années. Et le soir de son élection, Jean-Claude a d'ailleurs organisé une jolie fête au Chouquettes, le restaurant le plus bling-bling de Grosboul. Merci Jean-Claude. Merci. De rien. Salut les gars, salut les filles. Votre pot était très réussi, Jean-Claude, oui. Et surtout très bon. Voilà. Vous savez, ce ne sont que quelques huîtres en direct de l'Héron, certes, oui. Et aussi de la Riette en direct du Mans. Le tout garanti sans intermédiaire, Jean-Guy, j'y tiens. Mais ce soir-là, alors qu'on célébrait le triomphe du Jean-Claude au Chouquettes, Monique n'était pas dans son assiette. Déjà le matin même, elle n'était pas allée voter pour lui, dis donc. Car l'élection du Jean-Claude offrait à Monique un nouveau statut qu'elle redoutait, celui de première dame du Rotary Club. Cela dit, épouse modèle, depuis Monique joue le jeu. À Noël, par exemple, un peu comme un alibi, elle a fait rapatrier des dizaines de yaourts bulgares pour les familles pauvres de Grosboul. Et lorsqu'en février dernier, Jean-Claude a reçu ses homologues d'un Rotary Club américain, Monique a fait beaucoup d'efforts pour tenir son rôle de première dame. Ces messieurs prendront bien un petit apéritif, deux doigts de pastis. Mais nos chers amis, ces messieurs ne prennent que du whisky. Ils sont américains. Alors ils prennent du bourbon. Jean-Claude fut excédé par ce comportement hystérique de Monique. D'ailleurs, le soir même, afin d'échapper au dîner officiel avec les délégués américains, Monique préféra prétexter une angine blanche. La charge de première dame du Rotary Club devenait visiblement trop lourde pour elle. Malgré tout, il y a trois semaines, Monique a une fois de plus accepté d'accompagner Jean-Claude lors d'un sommet des Rotary Clubs franco-allemands. Seulement voilà, là encore, Monique n'était pas à son aise, au grand désespoir du Jean-Claude. Petit effort, hein. J'ai l'impression que tu n'as pas bien mesuré l'ampleur des enjeux. J'ai des obligations diplomatiques de premier ordre. Alors si j'ai une quiche à traîner qui n'est même pas capable de me faciliter un peu la tâche, parce que excuse-moi, hein, c'est pas en faisant la bise à tout le protocole, ni en filant nos cadeaux aux femmes de chambre de l'hôtel, que tu vas y arriver. Oui, tu ne le soupçonnais guère, mais ce matin c'est le scoop. Depuis quelques semaines au Mangin Palace, notre couple légendaire traverse une crise majeure, à tel point que mardi soir, Monique a pris une grave décision. Si tu as quelque chose à me dire, je suis prêt à t'écouter. Je vais divorcer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je ne supporte plus le couple que nous formons. Mais pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait qui t'a déplu? Dis-le si tu as quelque chose à me reprocher. Je ne peux pas te donner de raison précise. Bien, essaye! J'ai pas envie d'essayer. Il y a quelqu'un d'autre? Un autre homme? Non. Une femme? Ça te plairait. Visiblement, Jean-Claude ne comprend pas qu'avant tout, Monique ne supporte plus son nouveau statut de première dame du Rotary Club de Grosboul. C'est ainsi que mardi soir, Monique a claqué la porte du Mangin Palace. Elle s'est réfugiée, paraît-il, chez Richard Atatias, un ami du Jean-Claude qui a tenté de la réconforter. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi, tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras est arraché à cette vie. Mais ça, je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Oui, enfin bon, faut dire que Monique n'est pas insensible au charme de Richard Ratatias. Toujours est-il que jeudi soir, 48 heures seulement après le départ de Monique, Jean-Claude s'ennuyait ferme tout seul chez lui. Et il fut alors invité à dîner chez Jacques Séguélo, l'épicier de Gros Boule. Il y avait là quelques prestigieux convives, dont Clara Blondie, jeune mannequin cabine chez Pimki et qui pousse parfois la chansonnette à la kermesse de Gros Boule. Sur la fin du dîner, Jean-Claude était sous le charme de Clara Blondie. Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle. La petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses boots en peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini-jupe en skate, et comme ça swing sous son chandail, j'aime dévisser. Il n'y a pas d'erreur. Jean-Claude propose alors à Clara Blondie de la raccompagner chez elle, d'autant que ce soir, le Rotary Club lui a prêté une bagnole avec chauffeur. Jean-Claude murmure également à l'oreille de Clara Blondie qu'elle pourrait bien devenir Fissa, la nouvelle première dame du Rotary Club de Gros Boule, si elle le désire, bien sûr. Après avoir échangé leur numéro de téléphone, Jean-Claude dépose Clara Blondie chez elle et, sur le chemin du retour, il questionne alors son chauffeur. Qu'est-ce que vous pensez de là ? Elle est très jolie. Ben non, je ne parle pas de ça, je sais qu'elle est jolie. Non, la différence d'âge, ça vous choque pas ? Ah non, non, non. Non ? Non, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Et où allons-nous, monsieur ? À Marrakech. Mais non, à la campagne, pauvre tâche. Assis dans sa caisse intérieure cuir, Jean-Claude décide alors de passer un coup de fil à ses potes, bien sûr, histoire de se vanter d'avoir un ticket avec cette jeune mannequin Clara Blondie. Sauf que là, Arnaud Malarder, un ami du Jean-Claude, lui explique que c'est l'ancienne petite amie de Michael Jagger, le célèbre chanteur des Pierres qui roulent, et que franchement... Chacun raconte à sa manière les safaris de sa panthère. Elle a la cuisse hospitalière. Oui, mais quand même, elle exagère. Tout le monde est passé dessus, à part les trains, bien entendu. Chacun décrit, chacun relate sa façon de lever la patte. Oh là là, Jean-Claude n'aime guère cette histoire et soudainement pris de panique. À l'idée que Monique puisse être ce soir dans les bras de Richard Ratatias, il décide immédiatement de lui envoyer un SMS. Comment on a fait pour se séparer ? Non, depuis que tu m'as quitté, je suis mal barré. J'ai essayé de récupérer, mais en vain. J'ai fait le tour du monde, mais je suis toujours un chien. Même si on dit une de perdu, 10 de retrouver. Moi, je préfère en perdre 10 pour te retrouver. Alors c'est pour ça que je laisse souvent la porte ouverte. Et toutes mes conquêtes t'enlèveront jamais de ma tête. C'est certain qu'aujourd'hui, on a chacun nos vies. Mais ça m'empêchera pas de penser à toi jour et nuit. Qu'importe ma situation, je serai toujours là pour toi. Qu'importe ma réputation, je serai toujours là pour toi. Appelle-moi, n'hésite pas, tu sais que je serai toujours là. Si t'as un problème, tu sais que tu peux compter sur moi. Ému aux larmes par l'intensité de ce texto, Monique venait de comprendre que si elle revenait, Jean-Claude annulerait tout. C'est ainsi que vendredi soir, Monique est rentrée à la maison. Ouf ! Et hier matin, Jean-Claude avait donc retrouvé sa First Lady officielle. Il venait surtout de comprendre certaines choses essentielles. J'ai refait l'amour avec elle et depuis lors je sais qu'elle est la seule qu'il me faut. J'ai refait l'amour avec elle et j'en garde les séquelles aux quatre coins de ma peau. L'amour est quelquefois cruel mais je sais que ce duel avec elle est un duo. C'est l'essence de l'essentiel là. Monique avait posé une seule condition à son retour, que Jean-Claude démissionne immédiatement de sa présidence du Rotary Club. Ce qui fut fait hier soir, dis donc. Ah ben oui, hein, c'est de la pure fiction, donc nous on invente la fin qui nous arrange. Enfin bon, Monique n'est donc plus la première dame officielle du Rotary Club de Grosboul, mais elle est redevenue la First Lady dans le cœur du Jean-Claude. Toujours est-il que Richard Attatias a tout de même téléphoné hier soir à Jean-Claude, histoire de lui offrir quelques modestes conseils pour conserver Monique près de lui. Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Femme libérée, c'est ce que croyait en 1984 le groupe Cookie Dingler. Au passage, est-il aisé d'être une femme libérée lorsqu'on est la première dame de France ? Eh bien, certaines d'entre elles ont tenté d'échapper à ce statut de l'ombre, alors que d'autres, moins. Et alors, et avec Madame Giscard d'Estaing, est-ce que vous avez parlé aussi de la condition de la femme ? Très peu. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre joyeux voyage en compagnie des premières dames de France. De Félix Faure et sa pompe funèbre, à Jean-Claude et sa Clara Blondie, de Bernadette à Carla, en passant par Cécilia, et du pop art aux pièces jaunes, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement incomplet et complètement subjectif de ce que peut être la vie d'une first lady. Pour finir, on sait bien aujourd'hui qu'il ne faut pas réduire le rôle de première dame à celui de potiche officielle de la République. Ainsi, le centre Pompidou, par exemple, existe aussi grâce à Claude. Avec Bernadette, Chirac a eu le droit de porter des chaussettes avec un Bermuda et Nicolas utilise à fond l'image de Carla. Par ailleurs, ce sont elles qui, normalement, assistent au lever et au coucher du président et du matin au soir, elles doivent supporter ses humeurs. De vraies héroïnes, ces ladies. Oh, my lady héroïne. Oh, ma beauté, ma divine. Mon bel ange, ma toute belle. Oh, my lady héroïne, ma liaison clandestine. En douceur, mon sucre candy, emmène-moi au paradis. C'était Serge Gainsbourg, spécialiste en lady, de la première à la dernière. Voilà, fin du 116e épisode. Tout le monde est sans, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi être première dame, revu et corrigé par la bande de furieux du Morgin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour un épisode best-of, mais archi loufoque et total foutraque, bien sûr. Panique au Morgin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Mainviel et de Dimitri Gronoff, merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et les recherches sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora, merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement, merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère. Pour toutes ces idées complémentaires, merci enfin à Jennifer Guillot de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Morgin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Bonheur, santé et succès.